Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107 FM. Et pour cette édition du lundi, hein, on commence la semaine en bonne humeur. Pour cette édition, on va parler de lutte contre le cancer avec l'association Les Flocons de l'Espoir avec Coralie et Océane. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Et j'en profite aussi pour passer un coucou aux auditeurs, hein, donc bonjour les Vosges comme d'habitude et bonjour l'Alsace qui nous écoute aujourd'hui. Et tant qu'à faire, j'en profite pour passer un rapide message qui nous a été transmis par la mairie de Cornimont qui demain soir, donc demain mardi 24 juillet à 2018 à 20h30, fait un concert, hein, une promenade musicale au temps de Bach avec la participation de Léo Rehmann qui est ténor. Donc c'est un concert de musique baroque sur instruments anciens qui sera à l'église Saint-Barthélemy. L'entrée est gratuite et après les auditeurs, les participants peuvent participer si le cœur leur en dit. Donc voilà, si ça vous intéresse, la musique baroque, allez à l'église de Cornimont, donc l'église Saint-Barthélemy, demain soir à 20h30. Voilà, la petite info est transmise. Donc on va se centrer maintenant sur le sujet du soir, à savoir déjà une association assez récente je crois, qui milite contre le cancer. Il s'agit de l'association Les Flocons de l'Espoir qui a organisé ce week-end un deuxième trail coloré. Donc j'ai en face de moi Coralie qui est la présidente de l'association si je ne me trompe pas, et Océane. D'ailleurs Océane, j'ai pas encore eu le temps de te demander quelle est ta place dans l'association. Je suis bénévole dans cette association. D'accord, ça fait longtemps ? Depuis le début. Oh, eh ben en parlant de début, depuis combien de temps l'association existe ? Ça va faire un an, un peu plus d'un an. Je l'ai créée en avril l'année dernière. D'accord, et pourquoi tu l'as créée ? Parce que oui, c'est toi qui l'as créée bien entendu, oui. Comme tu l'as dit. Je l'ai créé parce que c'est quelque chose qui me touche à cœur. J'ai plusieurs personnes de ma famille qui ont été touchées par le cancer. Et j'ai également perdu ma grand-mère à cause de divers cancers. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans. Et oui, donc je rappelle aux auditeurs, de toute façon, je vais peut-être pas arrêter de radoter comme d'habitude. Donc ton association qui s'appelle Les Flocons de l'Espoir lutte contre le cancer, mais le cancer en règle générale. Donc oui, d'après ce que j'ai compris, tu as plusieurs membres de ta famille qui ont été touchés par le cancer. J'imagine par plusieurs cancers différents, ce qui fait peut-être que tu te spécialises pas dans une lutte contre le cancer en particulier. Oui, c'est ça. Et donc, toi, tu as une certaine approche vis-à-vis du cancer qui a fait que tu as eu envie de créer une association qui s'appelle Les Flocons de l'Espoir. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça ? Tout simplement parce que déjà, j'ai un tatouage, c'est des flocons sur mon bras. Et en fait, c'est pour ma grand-mère qui est décédée à cause du cancer. Parce que sa saison préférée, c'était l'hiver. Donc, les flocons, c'est symbolique pour moi. Ça s'entend, ça se comprend. Coucou à ta mamie si elle nous écoute depuis là où elle est. De toute façon, le cancer, c'est une maladie qui touche tout le monde, hein, autant les malades que les proches. Et je pense qu'on ne connaît personne qui n'a pas un proche qui a été une fois dans sa vie touché par le cancer. Et donc, hein, comme je le disais, ton association lutte contre le cancer. D'ailleurs, elle se trouve à Saint-Maurice-sur-Moselle, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et elle a été créée il y a un tout petit peu plus d'un an. Donc, si elle a été créée c'est vrai, sur le papier, c'est lutte contre le cancer, mais concrètement, qu'est-ce qu'est fait ton association ? Donc, on organise divers événements, et ce qui va permettre de récolter de l'argent. Et cet argent, en fait, on va le répartir en deux. Une partie de l'argent va être pour financer une partie de la recherche, et l'autre partie de l'argent, on la garde en fait pour réaliser le rêve d'une personne malade. Ah, une personne malade en particulier ou une personne malade, vous réalisez le rêve d'une personne et puis après vous réalisez le rêve d'une autre. Oui, c'est ça. On veut toucher le plus de personnes possible. Et donc, si vous êtes là, si vous êtes là ce soir, déjà, c'est pour parler du trail, c'est pour apprendre à vous connaître, bien entendu, parce que vous êtes une association quand même assez récente. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est une première à Radio Guémozo. Oui, tout à fait. Alors, bienvenue à Radio Guémozo. Hein. C'est vrai qu'on oublie un petit peu les bonnes manières quand on fait les choses un petit peu vite, hein, mais les auditeurs connaissent aussi Lou, faut pas s'inquiéter. Et donc, toi, Coralie, tu as eu plusieurs membres qui ont été touchés par le cancer, donc tu as une certaine approche. Et si tu t'es aussi investie dans la lutte, c'est peut-être que tu as vu que c'est une maladie peut-être difficile à dépister, qui n'est peut-être pas assez prise en charge. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, en fait ? C'est une maladie qui touche vraiment tout le monde, les plus jeunes comme les plus âgés, donc ça peut... Elle vient comme ça, ça prévient pas, et c'est ce qui touche le plus en fait, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Et d'ailleurs, toi, dis-moi Océane, tu es bénévole donc, dans l'association depuis le début. Qu'est-ce qui toi t'a poussé à devenir bénévole dans l'association de Coralie ? Eh bien, on est de la même famille, donc on connaît aussi donc les mêmes personnes, et je connais aussi d'autres personnes D'accord. qui sont des amis ou autres. Donc en effet, hein, le cancer, comme je le dis, hein, le cancer touche tout le monde. Et en effet, il y a différents cancers plus ou moins connus, plus ou moins répandus. Hein, je pense ceux que tout le monde connaît, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Bon là, on ne s'adresse qu'aux femmes. Je crois qu'il y a le cancer du côlon qui touche généralement les plus de 50 ans. Oui, c'est ça. Puis après, cancer du poumon, de l'œsophage, enfin, je ne les connais pas tous. Même j'en connais assez peu. Et pourtant, il me semble qu'il y en a beaucoup, beaucoup, non ? Ah oui. Et d'ailleurs, oui, tu as dit, ça peut toucher vraiment tout le monde et n'importe qui, peu importe l'âge. Est-ce qu'il y a peut-être aussi, vu qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour développer un cancer, hein, parce que je ne sais plus comment ça fonctionne sur le papier, est-ce que tu saurais m'expliquer comment ça... marche entre guillemets le cancer, comment ça se développe ? En fait, c'est une cellule en fait qui va subir une modification au niveau génétique, et donc elle n'aura plus les mêmes fonctions et elle va former d'autres cellules cancéreuses, donc qui ne sont plus fonctionnelles, et donc il peut y avoir dans ce cas des tumeurs, etc., et donc qui entament la maladie. Et après, donc déjà il faut détecter le cancer, ce qui est pas forcément évident. Si je ne me trompe pas. Quoique aussi, en fonction, déjà, le cancer du sein, pour mesdames, si vous écoutez, n'hésitez pas à vous palper. Hein. De toute façon, il n'y a pas mille façons de le déceler. Je crois le cancer du col de l'utérus, faire un frottis une fois de temps en temps, mais allez voir votre spécialiste, il saura vous renseigner mieux que nous. Et puis après, pour les autres, je ne sais pas trop. Si le cancer du côlon, je crois, il propose aux gens de faire un dépistage. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau des cancers, on sait qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'en connais pas tant que ça. C'est difficile à créer un dépistage de beaucoup de cancers, en fin de compte. En fait, ça apparaît, c'est vraiment des douleurs, et c'est à ce moment-là qu'on peut aller voir notre spécialiste et ensuite avoir divers examens pour savoir si on a le cancer ou non. C'est pas détectable à l'œil nu, c'est... Si des fois on peut avoir peut-être des tumeurs donc sur la peau, mais par exemple on peut l'avoir à l'intérieur du corps et là ça ne se détecte pas. En effet, et il y a peut-être des moyens aussi pour limiter ses chances de développer un cancer. Bon, moi j'ai un spécialiste qui m'a dit que faire beaucoup de sport, comme d'ailleurs ce que vous avez organisé avec le Color Trail, ça diminue de 20% déjà les risques de cancer du sein, ça s'est prouvé. Oui. Et j'imagine il y a l'alimentation qui joue. Et ah, ça y est, il y a quelque chose. Il y a également pour ce qui est bien, je le dis pour les jeunes mamans, parce que l'allaitement fait beaucoup du bien au sein. Ça diminue. Il me semble 4% tous les 12 mois. Donc c'est quelque chose. Donc n'hésitez pas à allaiter vos enfants si vous êtes enceinte. Oui, c'est ce qu'il y a de plus naturel aussi. Donc, différents moyens, différentes techniques pour limiter ses chances. Hein. Après, bien entendu, ça peut arriver à tout le monde, comme tu le disais plus tôt, plus jeune comme moins jeune. Sans vouloir être indiscrète, et à la rigueur, vous pourrez toujours m'arrêter. Quel était l'âge de la personne la plus jeune que vous ayez connue atteinte de cancer ? Moi, je vais dire dans les alentours de 35 ans. Ah oui, quand même. Mm. C'est assez jeune et c'était un type de cancer en particulier ? Du sein. Mm. Ah oui, donc effectivement, ça peut vraiment arriver à tout le monde, hein, même à toutes les femmes. Donc encore une fois, je pense qu'on donnera peut-être, si on a des sites pour dépister les différents cancers, surtout ceux qui touchent les femmes, on les mettra en lien sur notre site radioguimozo.eu, rubrique l'heure des loups avec le podcast. On indiquera juste après, on le répétera à la fin de l'émission comme on a l'habitude de faire. Et oui, donc tu as créé ton association pour la lutte contre le cancer et ton association a pris tout de suite, tu as tout de suite eu des bénévoles. Bon, Océane est déjà de ta famille. Mais est-ce qu'il y a d'autres membres qui sont venus aussi dès la création de l'association ? Ah oui, ça a été assez vite. J'ai eu des amis, donc pareil, qui ont eu des parents, des amis touchés par la maladie et qui sont tout de suite venus vers moi pour faire partie de l'association. Et d'ailleurs, pour l'instant, vous êtes combien de bénévoles au sein de l'association ? On est une vingtaine à peu près pour le moment. Si quelqu'un nous écoute, a peut-être envie de devenir bénévole, comment ça se passe ? Eh ben, il peut nous contacter. Donc, ce qui est plus facile pour nous, ça va être sur les réseaux sociaux, comme sur la page Facebook des Flocons de l'Espoir. Là, il pourra nous contacter. Donc, ensuite, on verra. On verra en effet, et tout sera indiqué encore une fois dans le podcast de l'émission, tant sur la page Facebook que sur le site Radio Guimozo. Mais tant qu'à faire, se battre contre un cancer, c'est un combat littéralement, et c'est le titre de la première pause musicale, un morceau de Arcadiane, Ton combat. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Guimozo. Elle a pas pimé qui bazar. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Dja. J'suis pas ta gata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta gata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, Dja Dja. J'suis pas ta gata, Dja Dja, non. Y'a pas moyen, Dja Dja, ouais. En katana, baby, tu dead ça. Oh, Dja Dja. J'suis pas ta gata, Dja Dja, non. Y'a pas moyen, Dja Dja, ouais. En katana, baby, tu dead ça. D'après toi. En katana, baby, tu dead ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dead ça. En katana, baby. Oh, Dja Dja. Oh, Dja Dja. Et vous êtes de retour sur l'émission L'heure des loups, hein, et vous pouvez réagir sans aucun problème en nous écrivant sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 pour juste passer un coucou, témoigner sur votre approche par rapport au cancer, parce que c'est le thème de l'émission de ce soir avec Coralie Océane de l'association Les Flocons de l'Espoir. Et à l'instant, vous avez écouté le morceau de Dja Dja de je sais plus qui, parce que ça y est, l'ordinateur a décidé de faire des sienne, hein. Lui aussi il veut ses vacances. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc on n'écoutera peut-être pas ton combat de Arcadian, mais la pause musicale suivante, j'espère que l'ordinateur sera décidé à mettre la bonne. Ce sont des choses qui arrivent, mais au moins ça met un petit peu de bonne humeur dans l'émission, car après tout c'est vrai que le cancer, ça a beau être très, très répandu, c'est encore un sujet un petit peu délicat à aborder. Et voilà, donc l'association Les Flocons de l'Espoir se bat contre les cancers de toutes les manières qu'elles soient, enfin tous les cancers qui soient, parce que ben voilà, hein, Océane, tu l'avais dit en début d'émission, Coralie, mais Océane aussi, vous avez toutes les deux connu plusieurs personnes qui ont eu différents cancers, peu importe l'âge, et vous avez même perdu des personnes à cause de cette maladie. Donc voilà, vous êtes là pour vous battre, hein, et pour organiser des événements. Et les événements, parlons-en, vu qu'il y a eu ce week-end le deuxième Color Trail que vous avez organisé, d'ailleurs auquel j'ai participé. Comment ça s'est passé ? Eh ben, très bien, je suis très contente de ce Color Trail. Il y a eu combien de personnes qui sont venues participer ? Alors il me semble, j'ai trouvé qu'il y a eu plus de 200 personnes en 2017. Il en est quoi pour cette année ? Cette année, le temps a fait des siennes, donc on a eu un peu moins de personnes. On en a eu 120 à peu près cette année. Oui, bah j'avoue, c'est vrai que le temps a été un petit peu changeant. Et donc, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi avoir eu envie de faire un trail, un color trail. Voilà. C'était quelque chose. En ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui commencent vraiment à se mettre au sport. C'est quelque chose de bien pour la santé. Et donc, on a essayé de rajouter quelque chose de ludique, de fun, entre guillemets. Et donc, on a choisi donc, de lancer de la couleur sur ces coureurs. D'ailleurs, j'ai vu que ce n'est pas un concept... c'est un concept assez répandu. Il me semble qu'Action contre la faim avait aussi fait un trail coloré à Belfort, oui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est un petit peu sur cette idée que vous êtes parlé. Il y a aussi eu un trail, je crois que c'est un footing multicolore solidaire à Épinal, mais je ne sais plus pour quelle cause, qui a eu lieu en mai, si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est assez, assez répandu. Et donc, vous aviez aussi envie de faire un trail coloré. Pour quelle raison ? Pour mettre l'ambiance ? Oui, pour, c'est ça. Et puis on a décidé aussi, ça se faisait beaucoup dans les grandes villes en fait. Et donc nous, pour changer, on a dit pourquoi pas à Saint-Maurice-sur-Moselle. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça trail et non course, parce que ça se fait en montagne. Oui, en effet, vu que le trail c'est une course à pied en montagne en quelque sorte, hein, sur des chemins escarpés, des chemins même hors chemin. Oui, et d'ailleurs vous deux, vous êtes pratiquantes de trail ou de course à pied ? Moi, pas trop. Non, pas spécialement non plus. Non. Mais... J'ai beaucoup, mon copain en fait pas mal et donc... Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à l'organiser au Rouge Gazon à Saint-Maurice-sur-Moselle? Parce que c'est là qu'il a eu lieu. Ouais, bah, je trouve que c'est un beau site pour aller courir. On est un peu dans la prairie, dans la montagne, donc c'est ça qui est attirant. Et Thibaut et Bénédicte, donc les gérants du Rouge Gazon, sont très sympas et nous aident beaucoup pour cet événement. C'est donc pourquoi on a choisi d'aller là-haut. Ah d'accord. Et donc le circuit que vous aviez fait cette année, je ne sais pas si c'est le même que l'an dernier, peut-être que si. Si, c'est le même que nous avions fait l'an dernier. Là, on a dit peut-être l'année prochaine qu'on allait changer un peu pour que les personnes voyaient un peu autre chose aussi du site. En effet, et d'ailleurs, ce trajet, hein, moi je le sais parce que je l'ai partagé sur la page Facebook de la radio, bah, toi tu l'as vu. Si les auditeurs veulent me voir avec plein de couleurs, parce que c'est vrai que j'en ai pris plein la tronche, vous pouvez toujours faire un tour, je l'ai partagé sur Strava, sur un réseau social de sportifs, pour ceux qui connaissent. Et donc oui, c'est un parcours de 5,3 km environ. Oui, c'est ça. Donc tu as dit il y a eu 120 personnes qui l'ont fait. Et ces 120 personnes, c'est vrai que je connais peut-être la réponse, mais tu peux peut-être le dire aux auditeurs. C'était tous des ultra-trailers qui l'ont fait? Non, pas du tout. C'était vraiment de toutes sortes. Il y a eu des très jeunes, des un peu plus âgés. Non, il y a eu tout. Puis pas forcément des grands sportifs. Et il y avait même des enfants. J'ai vu qu'il y avait même des enfants qui ont participé, donc des plus jeunes, des moins jeunes, avec toutes les conditions physiques possibles. Donc c'est vrai que c'était vraiment... On peut même pas trop dire course, parce que tout le monde n'a pas forcément couru. Mais c'est vrai que, du moins, j'en avais déjà entendu parler l'an dernier. Et cette année, je l'ai bien vu, c'est super familial, super convivial. Et c'est accessible à tous. Et tu l'avais même dit au téléphone vendredi, hein, que ceux qui ne peuvent pas courir, ils peuvent marcher. Et puis voilà, tout se passe bien. Oui, c'est ça. C'est juste l'ambiance... Qui est là, en fait. On veut pas faire de course, on n'a pas de gagnant, on n'a pas de perdant, c'est voilà. Et c'est vraiment dans l'ambiance la plus bonne enfant possible. Hein. Donc, c'est vrai que tu peux peut-être nous dire, parce que c'est vrai que sinon, moi, je vais parler toute seule, ou peut-être Océane aussi. Si c'est un color trail, les couleurs, elles sont où? Elles sont disposées à tous les kilomètres de la course. Donc, on a 5 couleurs différentes tout au long de la course. Et donc une par kilomètre, et puis au final il y a eu un lancer de couleur final, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était dans quel but aussi ce lancer de couleur final? C'est pour l'aspect esthétique, pour marquer le coup, pour signaler la fin de la course? C'est aussi c'est pour signaler un peu la fin de la course, et puis c'est pour se lancer, ça représente aussi un peu la solidarité entre nous tous. Jeter tous ensemble, c'est quelque chose d'important, je trouve. Oui, de faire ça vraiment tous ensemble, pour tous ensemble se battre contre le cancer. Et d'ailleurs, toi, Océane, tu as été, dans quelle mesure tu as participé à l'organisation de ce trail? Donc moi, j'ai jeté la couleur sur les personnes. Ah, où ça? À quel kilomètre? J'étais au deuxième kilomètre. Donc c'était la couleur rose? Rose et violet, oui. Rose et violet, en effet, oui, parce qu'il y a eu du rouge, du rose-violet, du jaune, du bleu et enfin du vert. C'est bien ça? Ah, je ne me suis pas trompée. Je peux le dire, il y a des photos aussi sur votre page Facebook. Oui. Les gens sont vraiment ressortis tout colorés, quoi. Oui. D'ailleurs, ma voiture s'en souvient encore très, très bien. et donc, vous avez été plusieurs, j'imagine, à organiser tout ça, parce qu'il fallait, baliser le chemin, il fallait être posté au bon endroit. J'imagine que c'était tout un cheminement pour organiser, surtout le premier. J'imagine le deuxième, c'était un petit peu plus facile, comme vous aviez déjà certaines bases. Oui, cette année, ça a été parce que j'ai dû rechercher du monde, parce qu'il y a des bénévoles qui avaient des obligations, des empêchements, et donc c'est pour ça qu'on a dû retrouver d'autres personnes, mais en fin de compte ça s'est plutôt bien passé, donc ça a été. Pour organiser tout ça, et d'ailleurs c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il n'y a pas eu que la course à pied, hein, y a quand même... Alors j'ai vu sur la page Facebook que la journée a commencé à midi, c'est ça? un peu après, en fait, on a les inscriptions, oui, pouvaient commencer à midi, on attendait déjà du monde. Ensuite, vers un peu après 14h, on a commencé à avoir quasiment tous nos trailers, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire l'échauffement de Zumba. Donc, une bénévole aussi qui a proposé un échauffement ? Non, ce n'est pas une bénévole, c'est une personne qui est à la tête de la Zumba du Tio. D'accord. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Et donc, l'année dernière, elle était déjà venue et c'est quelque chose qui avait bien fonctionné. Donc, cette année, on a recommencé. Et oui, et donc, une fois l'échauffement fait, tout le monde est allé se préparer pour la course à pied. Pour le petit trail de 5 km. Et après, une fois que tout le monde est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, j'ai donc lancé le départ et tous nos trailers sont partis à la course. Et après, bon, tout le monde est arrivé au compte-gouttes parce que tout le monde arrive, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde ne va pas à la même vitesse. J'imagine qu'il n'a pas fallu non plus beaucoup de temps pour que tout le monde revienne. Non, c'est 5 km, donc ça a été... Le premier a mis 20-25 minutes. Et les derniers ont mis peut-être une heure, voilà, arrivée. Ah oui, en effet, donc voilà, c'est dans un temps raisonnable, mais comme tu l'as dit, 5 km, c'est pas non plus très long si on court pas. D'ailleurs, toi, Océane, tu l'avais déjà fait le parcours ou pas du tout ? Oui, bah, vu que je connais le site, j'avais déjà fait. Tu avais déjà participé l'an dernier ou l'an dernier t'étais aussi non, déjà Non, j'étais bénévole, j'étais déjà en train de jeter de la poudre. Et d'ailleurs, cette poudre, il faut peut-être le préciser aux auditeurs, de quoi elle est faite. Oui, donc c'est vraiment pas une poudre qui nous met en danger. C'est donc de la fécule de maïs mélangée avec en fait juste du colorant alimentaire. Et puis voilà, ça pose aucun problème. Mais vous avez distribué alors déjà des t-shirts et des lunettes. Oui, c'est ça. Bon, j'imagine les t-shirts pour marquer le coup. Oui, c'est ça. Les t-shirts, c'est pas forcément obligatoire. Les lunettes non plus, mais on préfère toujours que les personnes mettent des lunettes pour pas forcément... Des fois, les bénévoles lancent dans la figure, donc vaut mieux pas prendre la poudre dans les yeux. En effet. Et d'ailleurs, oui, ces t-shirts, c'est collector. Hein. Soit dit en passant, moi, je ne laverai pas le mien pour qu'il reste bien coloré. Je laisserai peut-être une autre photo ou sinon aller faire un tour sur mon compte Strava. Hein. Enfin, je m'adresse aussi aux auditeurs. Et donc, oui, tu l'as dit, les choses se sont bien passées, encore une fois, dans une ambiance bon enfant. 120 personnes, je pense que ce n'est pas négligeable non plus. Et donc, le but de cet événement, comme d'autres que vous organisiez, donc c'est... à la fois pour financer la recherche sur le cancer et pour réaliser le rêve de quelqu'un, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être en parler juste après la pause musicale suivante de ces deux aspects. Le morceau suivant, en espérant que l'ordinateur soit d'accord, hein, c'est du Maître Gims, c'est la même avec Maître Gims et Vianney. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serrer 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. J'suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. L'émission, le morceau que vous venez d'écouter à l'instant, Je vais y arriver, c'était la même de Maître Gims et Vianney. Cette fois, l'ordinateur était d'accord. Et si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez sans aucun problème nous envoyer un mail ou un petit message sur notre page Facebook Radio Guémozo ou appelez-nous au 03 29 62 40 40, ça fera toujours plaisir. On est toujours là pour parler de cancer, de dépistage et aussi de combat, bien entendu, avec Coralie et Océane de l'association Les Flocons de l'Espoir. Donc je rappelle aux auditeurs qui prennent le train en marche, Coralie, toi tu es la présidente de cette association qui lutte contre tous les différents cancers, tu te trouves à Saint-Maurice-sur-Moselle et puis... Ah oui, et ton association a à peine un an d'existence, ou à peu près, et toi Océane, bah, tu es bénévole de l'association depuis le début, et on rappellera aux auditeurs s'ils ont envie de devenir bénévole au sein de ton association. Comment ça se passera. Et juste avant la pause musicale, on a parlé du trail. Je pense qu'on parlera après d'autres événements que vous avez organisés, parce que j'ai vu que c'est pas le seul. Bon, déjà, deuxième color trail, c'est forcément qu'il y avait un premier. Mais je pense que c'est peut-être bien de faire un point sur le but, en fait, de l'association. Et juste, même plus tôt dans l'émission, tu m'as dit que c'est à la fois pour financer la recherche contre le cancer et pour réaliser les rêves de certaines personnes. Alors, on commence peut-être par le point recherche pour le cancer. Il y a encore beaucoup de besoins, enfin, comment dire, on nous demande encore, il est encore nécessaire de financer la recherche contre le cancer ? Ah oui, oui. C'est quelque chose, en fait, on ne s'imagine pas, mais les laboratoires ont besoin d'argent, ils ont besoin d'équipements qui coûtent extrêmement cher. Et donc ça, on ne le voit pas, mais ils en ont besoin. Et donc, pour pouvoir les aider, on aimerait bien leur donner un peu notre aide et donc leur verser de l'argent. J'imagine aussi qu'il y a d'un côté financer la recherche, mais peut-être aussi, si les recherches progressent, j'imagine que les techniques de soins progressent aussi. Et ça permet aussi de financer ou de, comment dire, qu'avec le temps, les traitements baissent parce que, si je ne m'abuse, un traitement contre le cancer, c'est extrêmement coûteux. Oui, oui. Rien que, par exemple, la chimiothérapie est quelque chose qui coûte très, très cher. Et donc, la recherche est en train d'essayer de trouver de nouvelles thérapies qui coûtent moins cher, mais aussi qui va essayer de, comment dire, de moins dégrader l'état de certaines personnes, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, la chimiothérapie. En effet, d'ailleurs, tant que j'y pense, il y a une auditrice qui passe le coucou. Solveig vous passe le coucou à vous deux et aux auditeurs, hein, comme ça c'est transmis. Et donc revenons à nos moutons. Donc en effet, oui, la chimiothérapie, non seulement c'est un traitement lourd, c'est un traitement assez néfaste pour l'organisme. Hein. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler, tu me diras si mes sources sont bonnes, mais ça détruit à la fois les cellules cancéreuses et des cellules saines. Oui, c'est ça. Oui. Elle ne cible pas que nos cellules cancéreuses, donc ça va donc tuer toutes nos cellules, et donc faut que nos cellules se reproduisent, et ça met un temps, ça met quand même un peu de temps, et donc c'est pour ça que ça dégrade l'état des personnes. Et à propos de traitement, j'imagine que la chimiothérapie n'est pas le seul traitement auquel on peut avoir recours pour le... Ben non, c'est l'auditrice qui m'envoie des SMS en pleine émission, chippie, va. Oui, donc il y a d'autres types de traitements, ou peut-être des traitements dans la médecine alternative qui sont connus, ou peut-être pas reconnus. C'est pas trop... Enfin, c'est pas vraiment reconnu pour le moment, après... Il faut trouver des solutions, il faut chercher encore vraiment pour... Oui, il faut chercher, et comme tu le disais juste avant, ou je pense qu'Océane, tu peux le dire aussi, c'est des traitements lourds qui coûtent cher, et un cancer, ça impacte beaucoup une famille, tant sur le moral que sur le budget, parce qu'il faut y penser. Mmh. Et oui, ça peut tant et si bien impacté, peut-être que ça peut même carrément bloquer une famille, non ? Oui, quand même, parce que disons que la personne malade, elle va pas pouvoir travailler durant plusieurs mois, même voire plusieurs années. Ça dépend dans l'état qu'elle est, et donc là, ça va impacter quand même sur beaucoup de choses, et même sur le moral. Savoir que quelqu'un de notre famille a un cancer, c'est pas quelque chose de joyeux, surtout qu'il y a des cancers qui sont pour le moment qu'on ne peut pas guérir, et donc c'est quelque chose qui touche forcément. Qui touche aussi dans la mesure où, comme je le disais, les traitements lourds ne sont pas forcément beaucoup pris en charge. Non, pas... la personne malade, si, elle est quand même... Il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, mais c'est encore difficile... Oui, et c'est pour ça aussi que l'autre partie des finances, l'autre partie des gains que vous rassemblez, c'est pour réaliser des rêves. Mais quoi comme rêve, en fait ? Les personnes malades nous le diront, tout simplement. Donc, ils viennent vous confier leurs rêves, et vous avez géré beaucoup de rêves jusque-là ? Pour le moment, vu que l'association vient de se créer il y a un an, pour le moment, on a dû se lancer, donc on n'a pas forcément les fonds. Donc pour le moment, on va encore attendre un petit peu, mais là, ça fait la deuxième année, donc on commence à avoir un peu d'argent. Donc là, on pourra, oui, réaliser le rêve de quelqu'un. Et quand on parle de rêve, dans quelle mesure ça peut être, Bon, j'imagine que c'est aussi dans la limite de vos finances, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Par exemple, ça peut être un voyage, ça peut être conduire une bonne voiture, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Oui, dans la limite des finances. Oui, toujours. Mais, tu m'as dit que ça avance, ça progresse bien. Et d'ailleurs, oui, la lutte. Enfin, c'est pas si la lutte contre le cancer, c'est une cause, comme je le disais déjà depuis le début de l'émission, une cause à laquelle tout le monde est sensible parce que tout le monde est touché. Et j'imagine aussi que vous avez rencontré aussi des personnes malades qui doivent être très contentes que vous vous occupez de leur maladie, que c'est une cause qui vous tient à cœur. Oui. En général, les personnes, vu que j'ai créé l'association à 19 ans, les personnes en général me félicitent et m'encouragent dans ma démarche. Oui. Oui, parce que c'est peut-être là, par contre, je peux pas le dire, mais peut-être que vous le direz. Est-ce que c'est une maladie dans laquelle on peut se sentir assez seul ? Je sais pas, parce que vis-à-vis de moi, de ma famille, oui. En tout cas, on est beaucoup réunis, on laisse pas tomber les gens comme ça, donc je sais que voilà, les personnes qui sont malades autour de moi sont toujours bien entourée et donc jamais seule. Et toi, Océane, est-ce que tu as le même angle de vue que Coralie? Oui, la famille est toujours derrière la personne, à la soutenir et à l'aider à réussir pour continuer. Oui, pour qu'elle arrive à traverser ce qu'elle traverse. Oui. Encore une fois, c'est pas un moment marrant à passer, un cancer, hein, comme tu le disais, c'est quand même une maladie grave. Déjà, on ne sait pas comment elle déboule, mais en plus, on ne sait pas toujours comment la soigner. Autant dire que c'est pas marrant. Littéralement, mais vous vous découragez pas. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, il y en a beaucoup des associations qui militent contre le cancer dans le secteur. Dans le secteur, je sais pas du tout. Après, je connais beaucoup à l'international la Ligue contre le cancer, qui est la plus connue, mais qui finance déjà la recherche. Oui, elle sera d'ailleurs indiquée avec le podcast de l'émission pour ceux qui veulent en savoir plus sur les différents cancers, les différents dépistages, les différents moyens, oui, de connaître ces différentes maladies, parce que bon, il y en a plein, hein. Cancer de la peau, cancer, j'imagine des yeux, cancer de la bouche, de l'œsophage ou des poumons, beaucoup pour les fumeurs, quoique j'ai entendu parler d'une non-fumeuse qui a contracté le cancer des poumons. Donc encore une fois, ça peut toucher tout le monde. Après, comme je le disais, mais ils le diront certainement mieux que moi, il y a plein de moyens de réduire ses chances. Hein. Pourtant, le risque zéro n'existe pas. En ayant une alimentation saine et variée, en faisant du sport, en ayant un mode de vie sain. Mais encore une fois, hein, le risque zéro n'existe pas, ça peut arriver à tout le monde. Et vous, comme je le disais, vous ne vous découragez pas pour financer la recherche et pour réaliser les rêves de certaines personnes, et surtout des malades, bien entendu. Et pour réaliser ces rêves, hein, vous organisez des événements. Donc, il y a eu le deuxième Color Trail qui s'est très, très bien passé. Enfin, quoi que je peux le dire, hein, c'était vraiment une très bonne ambiance. C'était un moment très agréable. Donc, vivement l'an prochain, déjà. Et j'encouragerai vivement les auditeurs aussi à participer à ce trail qui est vraiment un très, très bon moment. Donc, déjà, merci beaucoup à vous pour ce bon moment. Comme je l'ai dit, vous en avez organisé déjà un premier et vous avez aussi organisé une journée Halloween, c'est ça? Oui, enfin c'était à l'auto, oui. On a organisé l'année dernière un loto d'Halloween, donc les personnes qui venaient déguisées avaient le droit à une petite partie en plus. Et c'est ce qui a fait bien marcher aussi ce loto. Et donc il y a eu du monde à ce loto-là? Oui, on a eu pas mal d'entrées, mais le nombre je ne saurais dire. Mais c'est pas grave si vous en souvenez plus beaucoup, c'est déjà beaucoup. Donc il y a eu du monde déguisé, il y a eu une bonne ambiance. Oui. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous le faites aussi, de la sensibilisation contre le cancer, ou c'est juste être là pour faire une bonne ambiance? C'est pour le moment, c'est être là juste pour avoir une bonne ambiance. Pour le moment, on fait pas trop de prévention parce que. Là, j'avais la fin de mes études, donc je n'ai pas pu forcément travailler là-dessus pour le moment. Bien sûr, mais tu fais ce que tu peux, hein, tout le monde fait ce qu'il peut. Et déjà, être à la tête d'une association, d'ailleurs, je pense que je peux le dire, la présidente que j'ai en face de moi est assez jeune. Donc, pour être présidente et créatrice d'une association, même si je ne connais pas précisément ton âge, c'est très rare. Donc, bravo, et je pense qu'il faut le souligner. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement rare, tant que j'y pense. Et tu continues quand même dans une ambiance bon enfant avec les moyens que tu as et aussi avec les bénévoles, parce qu'il faut souligner aussi le travail. Après tout, tu es aussi bénévole dans ton association, mais il ne faut pas l'oublier, hein, les bénévoles aussi sont là pour porter les projets, pour réaliser des choses. Hein. Beaucoup. Et donc, on en était au loto d'Halloween. Il y a eu beaucoup de monde de déguisés qui est venu. Ah oui, pas mal. Hein. Au moins, les trois quarts étaient déguisés. Il n'y avait aucun souci. Et j'imagine que plus jeunes et moins jeunes étaient déguisés. Enfin, il n'y avait pas spécialement de tranche d'âge particulière qui était déguisée. Et la tranche d'âge qui a été touchée par ce loto était aussi vaste que le trail. Oui. Donc encore une fois, vous réunissez tout le monde. Est-ce que vous avez besoin aussi d'une grosse communication pour faire venir les gens à vous, à vos événements? Ça dépend des événements. Il y en a, les gens vont avoir plus de facilité à venir.

Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez, comme d'habitude, réagir à l'émission, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook Radio Gémozo ou à appeler au 03 29 62 40 40. Ce sera avec plaisir qu'on transmettra vos messages ou même qu'on écoutera vos témoignages par rapport au cancer, vu que c'est toujours le thème de l'émission de ce soir pour les 10 minutes qui nous restent environ avec Coralie Océane de l'association Les Flocons de l'Espoir. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, je répète encore une fois que ce que j'ai dit en début d'émission, donc une promenade musicale au temps de Bach avec la participation exceptionnelle de Léo Reimann qui est ténor. Ce sera un concert de musique baroque avec instruments anciens demain soir, donc mardi 24 juillet à 20h30 à l'église Saint-Barthélemy à Cornimont, avec entrée gratuite et participation pour ceux qui veulent. Donc voilà, si vous voulez faire un petit voyage dans le temps musical, c'est l'occasion. Mais revenons à nos moutons, cette fois c'est bon, je suis tout à vous pour les 10 minutes qui nous restent. Et donc oui, on a parlé des différents événements que vous organisez, de la manière dont vous faites connaître aussi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi, depuis les différents événements que vous avez organisés, le nombre des bénévoles qui a augmenté ou il a plutôt stagné? Parce que j'imagine que c'est important, les bénévoles. Aussi. Ah oui, bah c'est ce qui fait tout. Sans les bénévoles, il y aurait pas d'événement, ça c'est sûr. Et donc après, il y en a qui viennent, qui me demandent s'ils peuvent participer, par exemple à un certain événement. Et oui, on a toujours besoin d'aide, donc il y a aucun souci. Et oui, d'ailleurs, comment ça s'est passé pour le premier Color Trail? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Color Trail qui a eu lieu samedi. Est-ce qu'on a parlé du premier, comment l'idée est venue, et qu'il y a eu 200 personnes, si ça je m'en souviens. D'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que l'entrée, entre guillemets, pour le trail, c'était 16 € pour un t-shirt, des lunettes, un sachet de poudre, même un petit autocollant de la Dématache, hein, touche pas à mon hôpital maintenant. Parce que oui, j'imagine, si vous luttez contre le cancer et pour la démocratisation des différents traitements, j'imagine que vous luttez aussi contre la fermeture de l'hôpital. Ah oui, c'est sûr. Donc j'imagine, oui, que vous êtes aussi impliqué dans les manifestations. Enfin, vous êtes une association qui touche la santé, forcément. La DEMAT doit être une association avec laquelle vous collaborez de près ou de loin. Oui, on a pris contact pour le Color Trail. Ils sont venus et donc on a un peu discuté pour diverses choses. Et ils sont venus seulement cette année ou l'an dernier aussi? Non, l'an dernier, ils n'étaient pas venus. D'accord. Et donc, l'an dernier, je disais, vous étiez déjà basé sur, pas que je fourche, hein, vous étiez déjà basé sur ce que vous aviez vu à Belfort la course colorée, oui, d'Action ça, contre la faim. Et donc, oui, tu as dit, vous aviez même contacté une radio à ce moment-là. Et les gens sont assez facilement, assez rapidement venus. Vous avez mis combien de temps, en fait, à organiser ce premier trail? J'ai créé l'association en avril. En juillet, on a fait notre premier Color Trail. Donc, ça a été un lapsus de temps assez court, mais ça a bien fonctionné et on est ravis de notre premier Color Trail. Oui, de ce premier, puisque vous en avez fait un deuxième. Et... Ah oui, c'est vrai, j'ai encore perdu le fil parce que c'est des choses qui arrivent. Comme je disais, 16 € pour tout le tintouin, mais finalement pour une bonne cause, hein, pour financer la recherche contre le cancer et financer aussi la réalisation du rêve d'une malade, enfin d'un ou une malade, vu que vous allez essayer d'aider le plus de personnes possible en allant d'une personne à une autre. Pas que je me trompe encore une fois. Et ça y est, j'ai perdu le fil. Et si, comme j'ai vu que vous avez déjà organisé donc un loto de trail, je crois que vous avez aussi fait un vide-grenier à Saint-Amé, c'est ça? Oui, c'est ça. On a, en fait, au tout début, on n'avait pas d'argent. Et donc, on a dû se lancer. L'idée nous est venue. On a dit, pourquoi pas faire un vide-grenier? On va aller demander aux personnes de regarder dans leur grenier, nous donner des choses, et au moins comme ça, nous, on ne dépense quasiment pas d'argent, parce que l'inscription n'est pas énorme, et comme ça, on permet d'avoir, de commencer à avoir des fonds. Et donc après, ça vous a permis de récolter des premiers fonds pour mettre les événements en route. Et bon, tant qu'on y pense, j'imagine qu'on aura peut-être les infos en premier. Est-ce qu'il y a déjà des prochains événements à venir qui sont peut-être en train de mûrir dans vos têtes? Oui, là, il y en a un spécialement, donc en septembre certainement. Donc pour le moment, si rien n'est sûr, mais on va essayer de fixer une date pour faire... des baptêmes en voiture de prestige. Ah, c'est sympa ça. Avec qui? Je veux dire avec je crois le ballon d'Alsace, ou il y en a d'autres dans le coin? Ça va être c'est une personne qui m'a proposé, donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un particulier, donc on voit avec. Ah bah c'est bien aussi qu'un particulier à sa manière aussi se donne à la cause, surtout comme tu l'as dit, une voiture de prestige, c'est pas rien. Non. Ah oui, c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, j'imagine qu'on rentrera à nouveau en contact pour la concrétisation, qu'on puisse l'annoncer aux auditeurs. J'espère. En effet, bah, tu nous tiendras au courant. Ou ce sera aussi indiqué sur votre page Facebook, Les Flocons de l'Espoir, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, avec votre sigle, bien entendu, un flocon. D'ailleurs, d'un coup, ça me fait penser à la chanson d'Anastasia. Voilà, la fille qui a trop regardé de dessins animés. oui, qui est déjà un de tes tatouages, parce que c'est quelque chose qui te touche beaucoup, comme c'était la saison préférée de ta mamie, qui n'est plus là aujourd'hui à cause du cancer. Donc c'est peut-être aussi une des raisons qui t'a motivée à faire ton association, donc qu'elle puisse être pérenne. Est-ce que vous comptez aussi organiser un nouveau loto courant octobre ou novembre? Pour le moment, rien n'est sûr. Là, on est en train de voir ce qu'on pourrait organiser pour essayer de changer aussi, voir ce qui marcherait le mieux pour l'association aussi. Peut-être. Et oui, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, par contre, il y aurait peut-être un troisième Color Trail, mais peut-être avec un autre parcours, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ben, on a hâte de voir ça, on a hâte de se retrouver l'an prochain pour le prochain Color Trail, pour voir comment ça se passe. Et j'inviterai vivement les auditeurs à venir participer. C'est vraiment un moment très convivial et très agréable à passer avec toutes ces personnes, hein, même si on ne se connaît pas, même si la course c'est un moment très solitaire quand même, se prendre des couleurs en plein dans la tronche, ça marque un petit peu, et puis ça change. C'est à la fois très solitaire et solidaire en même temps comme événement, qu'il faut vraiment souligner. Et d'ailleurs, tiens, tant que j'y pense, c'est vrai que si vous êtes dans la récolte de dons de temps en temps, est-ce que c'est possible, juste comme ça, si on a loupé le trail, de vous faire un don? Ah oui, on a créé une page sur un site qui s'appelle Hello Asso, donc qui permet de faire des dons à l'association. Et nous aussi, on a un Hello Asso, si jamais vous voulez remplir, si jamais vous voulez un petit peu aider votre radio, vous pouvez, mais vous pouvez aussi aider les Flocons de l'Espoir. Et si on veut vous trouver sur Hello Asso, qu'est-ce qu'il faut taper? Il faut juste taper les Flocons de l'Espoir dans la barre de recherche. Et on trouve assez aisément, et puis oui. Après on peut vous aider sans aucun problème, j'imagine, même si je pense que c'est plus trop nécessaire de le répéter, que les dons qui sont donnés à l'association sont déductibles auprès des impôts. Oui. Voilà, donc c'est important de le préciser. Et puis, je crois que j'ai peut-être fait le tour de toutes mes questions. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des informations qui m'ont échappé et sur lesquelles il fallait peut-être revenir? Non, je vois pas. Oh là là. Il me semble que tout a été dit. Qu'est-ce qu'elle est forte, Lou, hein. Bon, je rigole, je suis extrêmement modeste, je m'en rends bien compte. Donc, avant de se dire au revoir, parce que je vois que l'heure file, et oui, c'est un bon timing, ça va déjà être l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc, j'en étais à la prochaine émission, c'est à 20h, le calendrier des esclavages et des libérations avec François, suivi de minuit à 1h, la rediffusion de la bulle de l'IA, qui ce midi a reçu l'association Hélicoupe, oui, avec deux O, donc Hélicoupe, j'imagine, pour parler d'hélicoptères. Et sinon, on se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie des minutes bonheur de Lia et de la matinale de Marion, qui vous racontera tout le programme de la journée de mardi. Sinon, on se retrouvera demain, 18h-19h, avec le Centre des Tronches, qui organise mercredi la fête des enfants. Pour en savoir plus, dans ce cas, je vais recevoir une partie de l'équipe du Centre des Tronches et des enfants aussi pour nous expliquer comment ça va se passer mercredi. Et sinon, pour les curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera déjà en podcast ce soir sur la page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique L'heure des loups. Vous en doutez bien, comme d'habitude, votre page Facebook Les Flocons de l'Espoir sera taguée dans le podcast. Hein, donc pour les auditeurs qui veulent aller voir de plus près votre association, votre page Facebook, ce sera indiqué. Et sinon, votre LOSO ou le lien de la Ligue contre le cancer, parce qu'il faut le rappeler, le but était aussi de parler de cancer, seront indiqués avec le podcast sur le site radioguémozo.eu. Je pense que j'ai fait le tour, et en effet je vois l'heure qu'il est, donc oui, en effet, on a fait le tour. Donc Océane et Coralie, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre temps, c'était vraiment un moment très agréable avec vous, et vivement les prochains événements que vous allez organiser. Eh bien, merci à vous. Et merci aussi aux auditeurs, donc merci les Vosges, merci l'Alsace de nous avoir écoutés. On se retrouve tous de bonne humeur demain, mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, sur Radio Guémozo. Bonne soirée tout le monde!